C'est à force de marcher sur des sentiers insensés, c'est à l'usure que disparaît un peuple, dans le confort du disponible, persuadé que ses fautes de mieux, indécis, mais toujours sur le point de croire qu'on lui aménage réellement son bien. Toute alternative est bienvenue quand on s'est habitué au désespoir au point de ne pas le savoir qu'on est dedans. Peu importe que la majorité des enfants qui sortent de l'école sachent pas compter, tant qu'ils sont encore capables de se compter chanceux puis de relativiser leur peine. Pour s'habituer au mal-être, l'atténuer, ça prend loisirs et divertissements, les plus abrutissants possibles. Comment la masse pourrait concevoir qu'un État qui s'affiche comme mécène des arts et de la culture est toujours suspect? C'est abreuvé de vide. Au goût du jour, assaisonné de la saveur du mois, qu'un peuple se fait empoisonner de nos jours. C'est pas juste des molécules, les poisons. Quand, dans l'illusion de la liberté du choix, les exutoires qu'on met à notre disposition suffisent plus à rendre ça supportable, ben les gens ont toujours encore le loisir de demander la permission de mourir. À défaut d'offrir l'extrême-onction, l'État peut, il peut se permettre l'ultime bonté de vous aider si vous avez son approbation. Ce qui aurait été vu comme totalement anormal il y a à peine 30 ans, ça se passe maintenant. Il y a eu un gros travail de fait pour en aboutir à ça. L'humiliation continuelle et sournoise, ça aboutit à des chocs. Le dénigrement de la mémoire amène des coupures. Puis on sait même plus qu'on a été coupé, tellement on l'est. Le temps que les gens qui sont dans le développement personnel se recentrent, que les gens explorent la conscience dans des ateliers, qu'ils combattent la mémoire de la race tant qu'ils veulent, pour entrer dans la concorde universelle, l'amour et la joie, ben collectivement, on continue de se diluer. Puis c'est les familles qui se diffractent pendant que l'individu se recentre. Quand vient le temps de regarder ça en macro, au niveau de la vie d'une société, par exemple, on peut pas appliquer des valeurs individualistes à toute une société. Des gens, là, relativisent. On fait tous des choix, chacun sa vie. Mais après, on dit qu'on fait des choix de société. Or, il y a des choses, des choix de société, que si on les fait, ben on pourra pas revenir en arrière. Puis on va le regretter aussi individuellement.